Alain Marchal, Olivier Truchot et les Grandes Gueules. Et les Grandes Gueules avec vous jusqu'à 14h, avec tout à l'heure dans la dernière partie à 13h, la Starac en question avec Pascal Nègre, le président d'Universal. Les Grandes Gueules autour de cette table aujourd'hui, Alain Soral, le sociologue. Et son livre Misère du désir aux éditions Blanches, Jacques Maillot, le président d'Eurotunnel, et Karim Zeribi, président de Agir pour la citoyenneté. Il change, ça y est, hop, une autre carte de visite qui est sortie. Il y a des militants d'Agir pour la citoyenneté dans les quartiers, j'aime bien leur faire un petit clin d'œil. Là, Agir pour la citoyenneté. Une petite annonce, mon cher Truchot. Petite annonce, oh, si vous avez. Moi je me tire. On le fait bien, Jacques, hein. Ouais, on pas mal, pas mal. Avec Alain, on travaille ouais, l'imitation. Oui, je vois, au niveau de l'imitation, ça fonctionne. Peut mieux faire, mais alors, pour des débutants, c'est pas trop mal. Petite annonce que vous avez sans doute lue lundi dans le journal Libération, on en a beaucoup parlé, je vous la lis. Rédaction jeune, compétente, enthousiaste, masse salariale allégée, ayant affronté foultitude d'épreuves, cherche repreneur sérieux, ayant denier et envie à offrir à un journal qui n'attend plus que vous pour remettre idées fraîches sous presse. Contactez françoisenlutte@yahoo.fr. Le journal à vendre, qui veut acheter un journal? Tiens, avez-vous envie d'acheter François? Faut-il sauver François? 3216, rmcinfo.fr. Les SMS aussi. Tu peux raconter une petite histoire sur François? Dans un instant. GG, comme grande gueule, un espace, vous me mettez le SMS et vous envoyez ça au 61068. Original quand même, la démarche de cette rédaction qui effectivement a envie de survivre et de continuer à faire un journal. Mais j'ai envie de dire, c'est une démarche désespérée, parce que François, ça fait 20 ans que ça se casse la gueule, il y a eu... Et puis c'est mérité surtout. Pourquoi ça là, c'est la revanche. Moi, j'ai eu une histoire avec François. Ils vous ont fait un procès? Non, pas du tout. J'ai jamais eu aucun procès, faut le savoir. Les seuls qu'il y a eu, c'est moi qui les ai intentés, pour diffamation. J'ai sorti un bouquin, La misère du désir, assez politiquement incorrect, qui s'est bien vendu malgré un certain boycott des médias. Et André Bercoff, qui était le rédacteur en chef de François... Il est toujours le rédacteur en chef. Laisse-moi finir mon histoire. Pardon. Pour qui j'ai un certain respect, me dit Alain, je vais essayer de faire bouger mon journal, il faut un peu des trucs couillus, il faut un peu des trucs, il y en a marre du politiquement correct, je vais te faire une grande interview dans François. On a fait la grande interview, elle n'est jamais passée parce que la rédaction s'y est opposée en disant on peut pas dire ça, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Ben quand on peut rien dire dans un journal, il mérite de disparaître et puis c'est tout. Je veux dire, il y a une morale, c'est que... Donc vous ne soutenez pas la jeune rédaction qui a envie de survivre et qui passe cette petite annonce dans Libé? Survivre pourquoi? Mais pour continuer à sortir tous les jours un quotidien. Il est tragique de remarquer aujourd'hui qu'on trouve beaucoup plus de vérité en journalisme dans les gratuits qu'on distribue dans le métro, comme 20 minutes, que dans les journaux dominants, avec des capitaux dont on sait pas d'où ils viennent. Donc, c'est ça la tragédie. Aujourd'hui, 20 minutes, c'est mieux fait que François. Alors aujourd'hui, il y a plus d'infos, c'est plus démocratique. Ouais, mais Alain, ce que tu dis, Alain, est bon pour tous les journaux. Il n'y en a pas un qui a une liberté. Si, il y en a un, je l'ai sur moi. Et je il va sortir un truc. Ça va être l'humanité. Il y a que lui qui le lit. Regarde bien. Je suis désolé. Il y a deux petits jeunes qui ont fait un canard tout seul, qui s'appelle Tant pis pour vous. Ça, c'est le numéro 3. Faut-il avoir peur des Arabes? C'est un sujet à la mode en ce moment. C'est super bien fait. C'est super intelligent. Ils ont pas de pub. Ils viennent de banlieue. C'est un Gaulois et un Maghrébin qui font fanzine. C'est l'équivalent de ce que devrait être Charlie Hebdo s'ils étaient encore au niveau de ce qu'ils sont. C'est l'équivalent de ce que devrait faire Actuel ou Nova Magazine s'ils devaient faire ce qu'ils font. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes qui ont des idées et du talent ne trouvent personne pour les financer parce que tout est verrouillé par le politiquement correct, par les grands capitaux. Alors voilà le cœur de la question aujourd'hui. Tant pis pour vous. Achetez, tant pis pour vous, c'est bien. Voilà. Sera le cœur de la question aujourd'hui. C'est le politiquement correct dont la presse est en train de mourir. Maillot. Exactement. Oui, je voudrais d'ailleurs, les journalistes de François ont eu tort de refuser cette interview. Mais je voudrais citer ce que dit Christian Gourdet, qui est délégué syndical à François. Si on prenait conscience que si le peuple de France n'achète plus de journaux, c'est peut-être parce qu'il en a assez de voir couler sympitèrement le même robinet d'eau tiède. Voilà. Que s'il décline les offres éditoriales des marchands de l'idéologie libérale, c'est parce qu'il en a marre qu'aucun quotidien ne porte ses revendications et ses aspirations. Moi, attendez. Moi, je suis d'accord avec vous, le politiquement correct est présent dans toute la presse. Mais c'est quoi la solution? C'est l'humanité, Alain Soral? C'est ça? C'est ce qui manque? Non, j'ai pas dit l'humanité. C'est des journaux grande gueule. Allez. Karim, la solution, elle est simple, Olivier Truchot. Enfin, pour moi, elle est simple, bien que je ne sois pas un professionnel de cette question-là. C'est parler des gens, les faire parler, couvrir une actualité large et dire ce qui se passe réellement dans la société française. Ne pas dire ce qu'on a envie de dire en instrumentalisant nos concitoyens. On a un certain nombre de canards nationaux aujourd'hui, derrière lesquels il y a des grands groupes. D'ailleurs, alors lesquels? On va les citer. Ces grands groupes. Je ne mets pas le Parisien dans cette affaire et je ne mets pas la PQR dans cette affaire. Si la presse quotidienne régionale qui parle des gens, de l'activité associative locale, la Provence, marche très bien, la presse. Ça marche, la PQR. La PQR et le Parisien, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que c'est différent de Libé, du Monde et du Figaro, qui sont formatés dans une idéologie politique instrumentalisée par des grands groupes et des grands capitaux qui prennent les Français pour des cons. Et les Français, ils en ont marre qu'on leur donne à manger. Non, non, mais on peut tout faire sauf obliger les gens d'en manger. Voilà. Karim Zeribi, Alain Soral, l'histoire des grands capitaux, ça tient pas la route parce que derrière le Parisien, c'est pas de jeunes lycéens, c'est un grand groupe, qui dirige le Parisien aujourd'hui en France, qui dirige l'équipe et qui est le patron du Tour de France. Pardon, c'est un groupe complètement indépendant, ça a été fondé par Émilien Amaury. Enfin, c'est un grand groupe aujourd'hui qui investit. C'est un grand groupe, mais c'est un groupe complètement indépendant, c'est pas quelqu'un qui pèse par ailleurs dans le visuel, c'est pas un marchand d'armes, etc. Alors là, franchement, le propriétaire du Parisien, c'est par exemple très différent de ce qui vient d'arriver. Olivier Duchaud, est-ce que ça te choque pas que des grands groupes qui aient 70 canards entre des magazines et des petits quotidiens puissent financer des campagnes électorales ou avoir été des industriels qui étaient proches d'un politique? Moi, ça me gêne profondément parce qu'il n'y a pas de neutralité dans le traitement de l'information. Et quand moi je disais que je regrettais qu'on avait à la fois une augmentation du traitement de la délinquance dans les médias et une orientation, je dirais, qui est voulue, mais dans un certain sens. Alors, c'est Karim, pas ce que les citoyens veulent. Quand on fait les grands titres sur faut-il avoir peur de l'islam ou des musulmans, les francs-maçons, c'est toujours les mêmes grands titres qui reviennent. Je suis d'accord avec toi. On ne parle pas de la réalité de la société française. Oui, simplement, je suis d'accord avec toi, mais l'histoire des grands groupes capitaux n'explique pas aujourd'hui la pauvreté de la presse française uniquement. Non, ce n'est pas l'unique raison. Non, mais elle est franchère. Attendez, Olivier. Je pense effectivement qu'il y a le prix, et ça, il faudrait se tourner vers les ouvriers du livre pour la presse quotidienne. Tout à fait. Et puis, il y a également, sans doute, une frilosité de la part de certaines rédactions, de certains journalistes qui ont du mal à ne pas aller, à la gamelle. Pas forcément dans son du français. Il y a quand même les hebdos. Maillot. Non, la seule chose, faut pour être complet, il y a les hebdos qui marchent très bien. Et c'est quand même une spécificité française. Moi, Alain Soral a donné un exemple tout à l'heure, je vais en donner un autre, parce que c'est bien qu'on alimente nos conversations d'exemples concrets. Quand on a des actions positives de citoyenneté qui défendent la laïcité, toute la laïcité, on en parle peu. On a parlé de ni pute ni soumise, on parle des SOS racisme. Depuis 20 ans, on parle des SOS dans la presse en général. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule voix dans ces quartiers. Nous, on a une association qui s'appelle Agir pour la citoyenneté. Jamais personne n'a voulu nous passer. Jamais personne n'a voulu RMC, aborder nous. Non, mais RMC. Mais c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Et RMC, votre émission, RMC, ça ne fait que augmenter. Marche. La radio marche. Ça ne fait qu'augmenter RMC interdominant. Parce qu'on donne la parole à tout le monde. Je trouve que ça est très sain. J'étais un peu cruel là avec un journal qui va mourir, c'est jamais très bon. Mais je veux dire, quelque part, il était peut-être mort depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'un cadavre qui bouge, c'est pas la démocratie. C'est-à-dire, c'est pas un journal vivant, c'était un faux journal, c'est ça le problème. C'est que ce qui est rassurant, c'est qu'on prend les Français pour des cons. On vire tous les sujets sérieux, etc. Mais au bout d'un moment, les Français n'achètent plus. Donc il y a la sanction par l'économie, ce qui fait que quelque part, je me retrouve un libéral malgré qu'on peut tout faire. On peut tout faire de la merde, mais on peut pas obliger les gens à en manger pendant des mois. Je suis critique. Quand un journal disparaît, c'est qu'il mérite de disparaître. Allez, moi je suis critique. Les Libération, s'il n'était pas entièrement soutenu à bout de bras par les puissants, ne vend que 140 000 par jour. C'est-à-dire que c'est un journal, comment dirais-je, prescripteur qui vend 10 fois moins que le journal Ouest France. Et c'est un journal du pouvoir. Qui a trahi tout son comment dire ses origines, ses fondements, et qui disparaît, c'est plutôt bon signe pour la démocratie, alors que ces gens-là vont vous dire oui, un journal qui disparaît, c'est la pluralité qui disparaît, c'est la démocratie qui disparaît, c'est le contraire. Plus Libération sera malade s'il reste que ce qu'il est, plus ça veut dire que les Français ne sont pas si cons. Ceci dit, moi je ne me réjouis pas de ce qui se passe à François parce qu'il y a 90 salariés, dont 60 journalistes, et ces gens-là, s'il y a un plan social ou s'ils doivent aller pointer au chômage, moi ça me fait pas plaisir. Alors, c'est vrai qu'on critique la presse généralement. Parmi ces 90, il y a les lèches-culs qui m'ont boycotté. Alain Soral, Jacques Maillot, Karim Zeribi, Olivier Truchot, une personne aujourd'hui a levé le doigt pour dire on peut sauver François et je veux peut-être faire quelque chose, c'est Jean-François Kahn qui est avec nous, Olivier. Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. Alors c'est bonjour vrai que Jean-François. La presse vous connaissez, vous avez fait tout fait dans la presse française, aujourd'hui vous êtes à la tête de Marianne, on peut vraiment sauver François? Je ne peux pas dire qu'il y a une certitude, je pense qu'on peut toujours sauver un journal quand elle a une bonne équipe et que cette équipe est prêt à se mobiliser pour prendre un sujet, pour porter un sujet. D'après ce qu'on me dit et d'après ce que j'ai vu, je crois qu'il y a une équipe qui a envie de se battre, qui a envie de se refaire François. La connerie, c'est que François doit devenir François. Très sincèrement, j'ai entendu des choses intéressantes, mais aujourd'hui, il y a un seul pays au monde, vous entendez bien, au monde, même la Haute-Volta, le Burkina Faso a 12 journaux, un seul pays au monde où il n'y a que 3 à 4 journaux nationaux prescripteurs d'opinion. Et un seul journal populaire, vous entendez bien, un seul. Et évidemment, il y a la place pour un journal différent. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai lu un responsable, je crois, syndical de François, qui disait une chose très juste. Il dit, attendez, vous avez aujourd'hui une presse conservatrice néolibérale. Hein, de l'autre côté, vous avez une presse gaucho-bobo, également libérale d'ailleurs, post-68-arde. C'est très bien, c'est formidable, il faut qu'il y ait de près ça. Mais il y a 60% des Français qui ne pensent ni ceci, ni cela. Mmh. Au nom de quoi? Je vous le demande. Au nom de quoi? Les 60% des Français qui ne se sentent pas représentés par une de ces deux idéologies n'auraient pas la possibilité d'avoir des journaux ou un journal reflétant leur sensibilité. Au nom de quoi? Alors, Jean-François Kahn, concrètement, ça veut dire qu'il faut faire quoi de François? Comment vous pourriez traiter l'actualité différemment à François, si on compare avec le Figaro, le Monde, le Parisien, son rival, hein. Le rival, c'est le Parisien, c'est déjà Parisien. Là. Non, mais Jean-François, moi, je voudrais comprendre. Concrètement, par exemple, on prend un sujet aujourd'hui, les otages français qui sont retenus en Irak. Est-ce que François pourrait traiter différemment l'information ou serait obligé de dire la même chose que les autres? Je ne dis pas qu'il faut systématiquement, quelle que soit l'information, dire faut que je la traite différemment. Ça serait assez pervers comme approche. Je répète, je dis que dans tous les journaux du monde, il y a 7, 6, 5, 8 journaux populaires représentant des diversités et des sensibilités différentes. En France, il n'y en a qu'un, qui est excellent d'ailleurs, mais il n'y en a strictement qu'un. Donc évidemment, il y a la place pour un journal exprimant une sensibilité différente. D'autre part... Mais vous savez qu'il y a la sanction de la pub, Jean-François Kahn. Un journal populaire, surtout, ce qui est très important, c'est je pense qu'on peut concevoir un journal populaire haut de gamme. C'est-à-dire cette idée qu'il y a de choix contre vous des journaux ce pour pas populaire haut de gamme, à mourir. Et d'autre part, The Sun, qui est de la presse de caniveau, non. Entre les deux, il y a la place. Comme la presse anglaise, pas comme la presse anglaise, évidemment. Ouais. Donc il faut faire du Parisien, quoi, Jean-François Kahn. Mais pour ça que François ne peut pas vivre, parce que le Parisien a pris l'espace. Stop. Non, Jean-François Kahn. Jean-François Kahn. C'est un bon journal, c'est un journal d'ailleurs axé beaucoup sur Paris là et il y a aujourd'hui. France, à part aujourd'hui, mais c'est un journal quand même assez establishment, oui, au bon sens sûr, du oui, terme, voilà. C'est quand même le journal establishment, et je crois qu'il y a la possibilité de faire un journal populaire moins establishment. Il faut que faire Marianne au quotidien. Hein? Il faut faire Marianne, le journal Marianne, mais chaque jour. Vous savez, si on faisait Marianne au quotidien, ça, je pense que ça pourrait marcher. Cela dit, je pense pas que c'est ça qui doit être le problème. Et la question de la pub. Hein? Parce que vous savez très bien que votre liberté a été systématiquement attaquée, non pas sur l'idéologie, mais sur le fait qu'on ne vous a pas donné de pub, ce qui vous a terriblement handicapé dans Marianne. Oui, mais attendez, grâce au fait qu'on n'a pas de pub, je ne l'ai pas voulu qu'on n'ait pas de pub, hein, ça serait mentir. Oui, ils ne sont pas venus exprès pour vous affaiblir. Ça a été une sorte de sanction de boycottage idéologique. Oui, voilà. Mais pourquoi est-ce que François est le seul, vous entendez bien, le seul journal généraliste national qui gagne de l'argent depuis 3 ans, le seul? Parce que justement, comme on n'a pas de pub, on n'a pas souffert de l'écroulement de la pub. Donc d'une certaine manière, je me réjouis. Et vous avez des lecteurs. Et on a des lecteurs. Ouais. Bah, il vaut mieux avoir beaucoup de lecteurs qui payent... Que de la pub. Alors que les trois quarts journaux font le contraire. Ou alors, l'idée n'existe que par la ou pub. Ou avoir, écoutez bien, ou avoir 500 000 lecteurs, dont 300 000 qu'on achète. Oui, oui. Ça veut dire quoi ça, Jean-François Kahn? Ça veut dire qu'il vaut mieux que les lecteurs payent que ce soit les journaux qui payent leurs lecteurs, comme certains. Voilà. Ah oui, mais qui paye ses lecteurs? Les autres? Non, regardez combien il y a de pages de pub tous les magazines qui disent si vous vous abonnez, je vous offre une télévision. Tous les magazines qui gardent leurs abonnés 4 ans, même si ce sont des abonnés depuis 3 ans. Tous les magazines qui envoient 100 000, 200 000 aux avions, des exemplaires qui ne sortent pas des hangars. C'est pas, qu'est-ce que c'est? Et tous les magazines qui rachètent aussi des exemplaires pour faire grimper les ventes. Oui, ça se fait moins avant. Ça s'est fait il y a quelques années, mais maintenant ça se fait moins. Non, il faut savoir en termes d'économie. Moi, j'ai quand même eu la carte de presse et journaliste que c'est la pub qui a le pouvoir dans les journaux. C'est-à-dire qu'en général, vous écrivez des articles parce qu'il faut bien qu'il y ait un peu de blabla entre les pubs. Dans les magazines, c'est ça. Regardez le nombre de pubs qu'il y a dans le Figaro Magazine, dans Elle, dans Marie-Claire. Et puis, c'est la moitié du canard. C'est que de la pub, que de la pub, que de la pub. Et c'est eux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire que quand on vous dit que vous abordez tel sujet, on vous dit que ça va pas plaire à tel annonceur. C'est pas grave si entre deux pubs, le sujet est intéressant. Non, parce que un mec qui vend des cosmétiques, il veut pas que vous fassiez un article sur l'aliénation des cosmétiques ou des... Si vous faites un article sur les crèmes mincissantes qui ne servent à rien, avec un médecin qui vous l'explique, eh ben vous êtes viré du journal et puis vous perdez un annonceur. C'est caricatural, c'est non, pas vrai. Non, c'est comme ça que ça marche. Et puis si François meurt, après tout, c'est une entreprise. Une entreprise comme les autres, il y en a des dizaines qui meurent par jour d'entreprises. On s'émue un peu, on s'émue parce que c'est un quotidien, mais... Oui, non, je suis pas d'accord avec vous, parce que vous qui êtes journaliste, Alain, vous savez très bien que François, ça a été un grand quotidien. Et l'aurore aussi. Oui, ben il y en a, et combat, il y en avait des dizaines et des dizaines de journaux qui sont morts, la démocratie a continué, Paris, Paris Soir. Ça serait pas grave. Non, mais comme dit Jean-François Kahn, ça serait pas grave s'il y avait 10 ou 12 quotidiens, mais il y en a pas. Mais ça doit être servir de réflexion pour les autres et pour en relancer les neufs sur des tons nouveaux avec vraiment autre chose à donner à lire. Les journaux prestigieux qui ont disparu. Je suis partout. Maillot. Attendez, vous voulez voir si vous étiez un peu. Des excuses, Alain Soral. Nous citer Lucien Rabatel. C'est ça, sinon. Je suis pas sûr. Je viens du studio, Soral. Non, des excuses. Je m'excuse. Pardon. Je ne le ferai plus. Alors, il y a un journal à vendre en France Soir. C'est pas très très cher. A priori, c'est combien les tarifs qui ont été 7 millions d'euros. Maillot. Ça intéresse, Jacques, 7 millions d'euros pour se payer François. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Vous êtes le seul à avoir un peu d'argent autour de cette table. Absolument, mais j'ai pas... Non, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a l'emploi qui est en jeu, et je suis tout assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-François Kahn. Je pense qu'à côté du Parisien, à mon avis, il y a la place pour faire un grand quotidien populaire. Là-dessus, je le crois. Et d'ailleurs, alors, il a dit encore plus populaire que le Parisien. Non, mais c'est vrai, encore plus populaire que le Parisien. Si c'est plus populaire que le Parisien, c'est tabloïd. Alors, si ce qui veut dire qu'un quotidien plus populaire que le Parisien, qui refuse une interview d'un Soral, ça marche pas. Je connais pas l'équipe. Je connais André Bercoff. Je pense que s'il y a une bonne équipe, ce que dit le délégué syndical me semble intéressant. En effet, il y a peut-être quelque chose à faire, à organiser un tour de table, un pour dialoguer avec André Bercoff et son équipe, et bien sûr, avec le propriétaire italien actuellement, et de trouver une solution. Le prix a été variable, on a fait des propositions, je peux citer un chiffre en francs, on m'avait proposé de mettre 300 millions dans François. Ah oui, c'est beaucoup. Je vois que j'ai bien fait d'attendre, ça a beaucoup baissé, vive le marché. Et les ouvriers du livre, on en fait quoi? Parce que si la presse quotidienne ne marche pas, on l'a dit aussi, c'est parce qu'elle est chère. Mais le Monde est à combien aujourd'hui? Un franc, ouais. Un euro vingt. Libé est à 1,20€. Bah c'est pas normal. Le Parisien, d'ailleurs, est à 0,90€, faut le rappeler. Moi, je vous ai dit, Libé, c'est gratuit. On le lit au bistrot avec le Parisien. Qui c'est qui achète Libé? Puis maintenant, il y a Internet. Je n'ai pas assez depuis 20 ans. Je le feuillette au bistrot. J'aime bien 20 minutes. C'est gratuit. C'est vrai que c'est bien fait. Mais c'est ça qui est très étrange. Métro. Eh ben oui, c'est très inquiétant que ce soit mieux que 20 minutes. C'est bien fait. Stop. Complètement d'accord. Alain Soral, Jacques Maillot, Karine Zeribi, Olivier Truchot. Bien sûr, on suit le Truchot François. On va être présent les jours prochains de François. Et on va s'intéresser dans un instant à ce qui se passe en Angleterre. En France, vous savez qu'on construit des prisons. En Angleterre, les prisonniers, on leur met des bracelets avec un boîtier, on les suit par GPS. La prison sans barreaux. C'est pas là aujourd'hui. La prison sans barreaux et les boîtiers pour suivre les délinquants sexuels par GPS. Ça serait bien que Carmen nous écoute, là, alors là. 3216, oui. rmcinfo.fr. Et nos coups de chapeau et les coups de gueule des grandes gueules d'RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules.